بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، في درس الماضي أخذنا الحديث الثاني، الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام. Donc l'info n'est pas finie, on va continuer إن شاء الله. ثم قال قال أخبرني عن الساعة informe-moi à propos de l'heure. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمسؤول عنها بأعلم من السائل que le questionneur n'est pas plus informé quant à l'heure que celui qui questionne que le questionné à fond n'est pas plus savant connaisseur au sujet de l'heure que le questionnaire. Donc, Sa'a, la ya'lamuha illallah. Comme le dit Ta'ala, yas'aluka 'an as-sa'a, ayyuna mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha li waqtiha illa hu. Que seul Allah connaît quand aura lieu l'heure. Et cette heure nous a été, quelque sorte, on va dire, promise dans le sens qu'elle va arriver. C'est inévitable. Et elle a des signes. Cette heure, elle a des signes précurseurs, alamat sura ou alamat kubra. Wa sura ya kathira, kathira jiddan. Wa certains de ces alamat ont déjà été vécus et d'autres sont à venir. Amma al kubra fa illa al an lam yahsul minha shay'un. Tamam. Wa min alamat as-sa'a as-sura bi'athat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son envoi, car il a dit j'ai envoyé moi ainsi que l'heure comme cela en joignant entre l'index et le majeur pour dire que sa venue est un signe précurseur de l'heure. Donc quand est-ce que l'heure aura lieu, c'est-à-dire la fin du monde, cette heure-là, on ne sait pas quand elle aura lieu. Des hadiths sont venus qui prouvent qu'elle aura lieu un vendredi, Bard al-Fajr. Naam. Thumma fil hadith qal. Et quiconque viendrait à prétendre qu'il connaît l'heure aura démenti le Coran. Et celui qui prétend connaître quelque chose de ilm, ilm al-ghayb, fawa ta'arout, comme zakara zalika Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dans les cinq chefs du ta'arout, parmi eux, il a dit celui qui prétend connaître la science de l'invisible. Sous toutes ses formes. Thumma qala, fakhbirni an amaratiha. Donc, informe-moi à propos de ces signes. Il a dit, si tu ne sais pas quand l'heure aura-t-elle lieu, informe-moi à propos de ces signes. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. Que tu vois la femme esclave mettre au monde sa maîtresse. Ça, c'est un signe parmi les nombreux signes de l'heure. وفسرت هذه الفقرة بعدة معاني ومنها كما قال الشيخ الفوزان أن معناه أنه يكثر التسري في آخر الزمان ولا يشك أن بنت الأمة تكون حرة تبعا يبيها فالبنت حرة والأم أمة فتكون البنت سيدة يمها qu'il y aura beaucoup de guerre à la fin des temps et de captivité et les gens rendus captifs lors d'un jihad parmi les kuffars deviennent des esclaves. Donc il dit pas de doute que la fille de l'esclave, c'est-à-dire que la femme esclave se raccouplera avec son maître, d'accord, et cet enfant qui viendra au monde sera libre par rapport à son père. Le père il est libre, donc l'enfant sera libre. Donc il a dit mettre au monde des filles, donc cette fille deviendra une maîtresse sur sa mère. هذا معنى. والمعنى الثاني أن المراد بذلك والله أعلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى كأن البنت تكون سيدة لأمها. بنت تكبر عليها وتعقها وتعصيها. Le deuxième sens, c'est que justement, il y aura beaucoup d'ingratitude à la fin des temps. Que les enfants deviendront rebelles par rapport à leurs parents et ingrats, à tel point que la fille deviendra la maîtresse sur la mère. C'est-à-dire, c'est plus la mère qui ordonne, c'est la fille qui va ordonner. Donc, le premier sens, il est le N, ma zahra shi'un minhu, fi hadha az-zaman. donc il n'est pas encore arrivé. Le deuxième sens, le deuxième sens, on le voit actuellement dans la mauvaise éducation que les enfants y reçoivent, que ils deviennent eux autoritaires sur leurs parents. Donc ça, c'est parmi les signes précurseurs de l'heure. ثم قال أن ترى الحفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Que tu vois les va-nu-pieds dénudés, comment on dirait cela, démunis, les pauvres gardiens de brebis, se concurrencer dans la construction d'édifices, dans leur élévation. نعم فهنا الحفاة يعني الذين لا يلبسون النعال les va-nu-pieds, ils n'ont pas de chaussures. Rua, ceux qui n'ont pas de vêtements, et là le murad biha ou là, ceux qui ont des vêtements mais courts, qui laissent apparaître peut-être des parties de leur corps. Ce n'est pas le sens qu'il y a tout nu complètement. لكن ملابسهم تكفي لا تغطي عورتهم العالة يعني الفقراء. Tamam. Ra'asha, les gardiens. Et cela, comme le ulama l'explique, al-muradu bihada al-a'rab, les bédouins. Car ça, c'est leur descriptif aux bédouins. Donc par la suite, ha'ulai et tatawalun fi bunyan. Ils vont se concurrencer à savoir qui est-ce qui va construire le plus d'édifices. Et comme a zakara ou shaykhuna Abdul Hamid Hajuri, les samana at-tul, mayalzam at-tul. Ce n'est pas forcément la tour la plus haute, bien que ça soit, cela se produit actuellement. Mais également, peut-être la plus large, quand même, ou la plus luxueuse, ou la plus grosse aurait les alika. Il y a des choses qui amènent au tabzir, au gaspillage d'argent. Des gens qui, à la base, ne sont pas de ce genre, cela n'est pas de leur coutume, mais ils vont arriver au stade où ils vont se concurrencer par rapport à cela. وَهَذَا كَذَلِكْ نُشَهِدُهُ فِي هَذَا الزَّمَنِ. Que les gens se concurrencent là-dedans. عَلَى الْأَسَفِ. قَالَ ثُمَّ انْتَلَقَ. Le questionnaire est parti. فَلَبِثْتُ مَلِيَانَ. Je suis resté un instant. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال فإنه أو إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc après il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم à ses compagnons, savez-vous qui est le questionneur? Ils ont dit Allah et son messager sont plus savants, car ils ont vu un homme arriver à la forte noirceur dans les cheveux et blancheur éclatante dans les vêtements, et ils ont dit لا يعرف منا أحد, personne ne le connaît, ils savent pas qui il est. Et il leur a informé que c'était جبريل عليه السلام. Comment expliquer que Malaïka ils prennent la forme des êtres humains? Et que les sahaba n'ont pas vu les malaïka fi suratim al-haqiqiyya innama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad ra'a jibril marratayn. Sinon les hommes, eux, quand les anges leur viennent, leur apparaissent, ils leur apparaissent sous la forme d'êtres humains, mais de bonne apparence, beaux et bien habillés. Wal malaïka sont des créatures masculines. Déjà, le fait que tu dises que ce sont des femmes à la kufr, comme dans différents versets cela est venu, que le fait de dire que les malaïkas sont les filles de Rahman à la kufr. Et kazalik, ce sont des ulama disent qu'on ne les décrit ni par la masculinité ou ni par la féminité, on dit sont des créatures. Mais l'apparence, c'est que tous les textes sont venus avec le asira, le tazkir. Tout ce qui vient, qui parle d'eux, c'est au masculin. On ne dit pas que ce sont des hommes, ce ne sont pas des hommes. Lakin sont des créatures jugé comme étant masculin. Et hum zaou uqul, sont des uqala. Ils ont des raisons. Naam. Fahada bihada kammalna hada alhadith. Tamam, ma sharh alwajiz mukhtasar. Le plus important c'était surtout la première partie du dess précédent. وكما ذكرنا هذا الحديث شامل على اصول عقيده السنه والجماعه. طيب ندخل بعد ذلك في الحديث الثالث، troisième hadith. تساوي 40 وهو بيان أركان الإسلام خاص بذلك. فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام ولا خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit selon Abdullah ibn Omar, qu'il a dit que l'islam a été bâti sur cinq, c'est-à-dire cinq piliers. L'attestation de la ilaha illallah, et que Mohammed est le message d'Allah, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le hajj, ainsi que le jeûne de Ramadan. Faqala Shaykh al-Fawzan, hafizallahu ta'ala, هذا الحديث كالحديث الذي قبله حديث عمر بن الخطاب في بيان أركان الإسلام. Donc ce hadith est comme le hadith précédent qui démontre les piliers de la foi, ou plutôt de l'islam. Il y a un hadith الحديث في زيادة وقوله بني الإسلام ولا خمس. Sauf que dans ce hadith là, il y a un ajout qui est qu'il dit que l'islam a été bâti sur cinq. وفي حديث عمر أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. Dans notre hadith, il dit Jibril, informant de l'islam, le Nabi Sallam, il a dit, l'islam, c'est que tu attestes de la ilaha illallah. Donc le hadith de Omar ne dit pas que ce sont des piliers. Il laisse entendre que l'islam, c'est cinq choses-là. Il a dit, arbenu yarn l'islam, informant de l'islam. Fama le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, zakara adil ashir khamsa, c'est cinq choses. Donc quelqu'un qui lit ça, il va croire que l'islam, c'est cinq choses-là seulement. Fama dal hadith, ja'a mufassiran lahu wa mubayyinan. Ce hadith, lui, vient éclaircir cela en disant qu'en fait, non, c'est que l'islam a été bâti sur cinq choses-là. Lakin l'islam awsa' min dhalika. Quand même, cela sont les choses sur lesquelles se bâtit l'islam. Mais tout ce qui y rentre comme ta'ah, comme mustahabbat, choses recommandées, comme sunan, d'accord, ghayr dhalika, tout ça fait partie de l'islam. Tout ça fait partie de l'islam. Hatta souya le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ayu l'islam khayr. قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. Qu'il a dit le Nabi Salam, il est interrogé, quel est le meilleur islam? Il a dit que tu nourrisses le pauvre et que tu passes le salam à celui que tu connais, celui que tu connais pas. Donc ça prouve que cela, nourrir le pauvre, fait partie de l'islam. Mais ce n'est pas l'islam en lui-même. Tout comme le fait de passer le salam aux gens qu'on connaît, parmi les musulmans, et qu'on ne connaît pas également, cela fait partie de l'islam. Mais ce n'est pas tout l'islam. Mais ces cinq piliers-là sont le socle sur lequel se base cette religion. وقال الشيخ قال وهي أركانه وهي مبانيه التي بني عليها وبفقدها أو بفقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلما إسلام الحقيقي. وأما بقية الأعمال فإذا فقد شيء منها فإنه يكون مسلما لكن يكون إسلامه ناقصا بسبب أو بحسب ما ترك منها. Il dit que là, ce sont justement les piliers de cette religion, et que celui qui les délaisse, ou qui délaisse certains d'entre eux, il sera un musulman sur un islam qui n'est pas réel. D'accord ? Quant au fait de laisser d'autres actions que ces cinq piliers-là, cela amènera, fera de lui un musulman, sauf que son islam sera réduit. Même sera réduit. Donc le zahir, c'est que le Cheikh Al-Fawzan voit que le délaissement des arcanes de l'islam amène au kufr. Thumma qal, donc le premier pilier qui est shaharat an la ilaha illallah, le fait d'attester de la ilaha illallah. Yaqul ma'naha al-i'tiqad wal-yaqin ma'a an-nutq bil-lisan. Donc maintenant le sens de la ilaha illallah qui est voulu dans le hadith, c'est le fait de l'avoir pour croyance, d'en avoir la certitude et de le prononcer par la langue. Car nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et que toute adoration en dehors de lui, ou autre que lui, elle est batila. C'est ça le ma'na de la ilaha illallah, c'est nafi ou isbat. La négation, quand il dit la ilaha illallah, nulle divinité. D'accord ? Cependant, ça ne suffit pas. Ça veut dire quoi une divinité ? C'est-à-dire nulle divinité ne doit être adorée. Thumma illallah. Que cette adoration, en fait, ne doit être que pour Allah. Il n'y a que lui qui la mérite. وهذا مبني على قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله العلي والكبير. Cela car Allah est le haq, c'est lui la vérité. Donc ça c'est le معنى de la ilaha illallah, c'est la ma'boud bihaq illallah. La ma'boud bihaq illallah. Et cela est expliqué par ce verset. Cela car Allah est la vérité, ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et que Allah est le plus haut et le grand. Ou l'élevé et le grand. Donc tu dois, quand tu prononces cette shahada, tu dois y croire avec ton cœur. Tu dois la prononcer par la langue et tu dois agir en conséquence. Ça revient au arkan de l'iman. Ça revient au arkan de l'iman. Donc tu ne peux pas dire je reconnais que l'adoration ne revient que à Allah seul. Tu te contentes de cela. Ça ne suffit pas. Il faut également que tu m'écroies en cette adoration pour que lui. Si tu n'as qu'une partie, ta shahada n'est pas valable. D'accord ? Car des gens vont dire, moi, j'adore Allah, alhamdulillah. D'accord ? Je n'adore que lui. Après, ça arrête là. Et on dit, les autres divinités qui sont adorées, c'est quoi leur jugement ? Tu vois ? Il faut que tu le dises, ces adorations, ces divinités ont été faussement adorées, ne méritent pas cela. Elles sont des divinités. Allah les a nommées ilah. Divinités, cependant, de fausses divinités, qui ne méritent pas d'être adorées. Donc ça, c'est le don, les deux piliers de la ilaha illallah qui sont un nafi ou l'isbat. La négation et l'affirmation. Et ça, c'est bien même dans les asma wa sifat, ça revient. Ça, cette qa'ida d'affirmer pour Allah le meilleur des attributs et renier celles qui contiennent un défaut qui sont leur contraire. Si tu donnes à Allah al-quwwa, tu dois refuser qu'il ait al-da'f, la faiblesse. Si tu donnes à Allah al-ilm, ou al-ilm al-kamil, tu dois refuser qu'il ait al-jahm, ou akadha. Labud minhu. Fahadha minhu. Elle a 8 conditions qui seront prises, inshallah, si Allah nous le permet dans notre livre. Car le fait de le prononcer seul ne suffit pas. Il y a des conditions qui vont avec. Kullu bab lahu miftah, wa kullu miftah lahu asnan. Fa shurut la ilaha illallah asnan miftah. Car si tu veux ouvrir une porte avec une clé, cette clé n'a pas dedans, elle va tourner ta clé dans le vent. Elle va rien ouvrir. Donc cette clé, c'est la shahada. Cependant, ces dents de cette clé sont ces conditions. ثم قال وان محمدا رسول الله que Mohammed est le messager d'Allah. Donc l'autre attestation, on avait expliqué que les deux ensemble ne font qu'une en réalité, sont un seul pilier. Elles sont deux attestations mais ne sont qu'un seul pilier et qu'elles sont mutalazimatan, que l'une ne va pas sans l'autre. Donc Mohammed Rasulullah tamam ma ma'naha dhukira zalika fi ثلاثة أصول هو تصديق فيما أخبر tu dois croire ce qu'il a informé تمام وطاعته فيما أمر l'obéir dans ce qu'il interdit واجتناب ما نهى عنه وجزر le délaisser ce qu'il a interdit et qu'il a réprimandé وأنه لا يعبد الله إلا بما شرع que Allah ne peut être adoré parce que il a légiféré. Donc Muhammad Rasulullah amène à la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah amène à Muhammad Rasulullah. Lihada on a fa'ida qu'on avait lu il y a quelques jours dans Fath al-Majid, un kalam de Ibn Qayyim dans Bada'i al-Fawa'id, où il parle de cela brièvement. J'ai pris le passage juste à lire. Il parle à propos du Sirat al-Mustaqim. Tamam, le chemin droit d'Allah Azza wa Jal qui est l'islam et qui amène ce que Allah Azza wa Jal veut de nous. ثم قال في هذا وهو افراد الله بالعبوديه c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration وافراد الرسول بالطاعه et le fait d'unifier le nabi sallam dans l'obéissance, c'est-à-dire on obéit que à lui فلا يشرك به احدا que nul ne doit être associé à Allah rien في عبوديته dans son adoration dans la dévotion qui lui revient ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم احدا في طاعته qu'on ne peut associer dans l'obéissance du Nabi sallam autre que lui kazalik. Tamam? Fa yujarrad bil tawhid, Allah doit être purifié par le tawhid, l'unification dans l'adoration. Wa yujarrad mutaba'at ar-rasul et également on doit purifier le suivi du Nabi sallam autre que lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que ceux qui obéissent autre que le message sallallahu alayhi wa sallam c'est un mushrik. Mais que cette obéissance doit être conforme à la sienne. Par exemple, Allah Azza wa Jal يقول وبالوالدين إحسانا عندو بيو بارون عندو بيراكي également au gouverneur. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Aux vous qui avez cru, croyez en Allah, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir d'entre vous. Et comme les ulama le disent, il n'a pas dit et obéissez d'entendre du pouvoir, une fois de plus, il a dit seulement et directement pour dire quoi? Que notre obéissance au gouverneur doit être conforme à celle qu'on a pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pour Allah azza wa jal. Obéir au Nabi, ça revient à obéir à Allah. La suite, les adilés sont nombreux. Amen. Et obéir à Allah implique qu'on doit obéir à son messager. Mais ce que cela veut dire, ça veut dire que tout comme on ne peut adorer autre que Allah avec lui, c'est-à-dire ce qui revient à Allah, on le donne à autre que Allah, tout comme on ne peut donner d'obéissance qui revient au Nabi sallallahu alayhi wa sallam à autre que lui. Amen. Et ça amène une forme de shirk. Shirk fi mutaba'a. Il y en a fi tawhid mutaba'a. Ça, c'est pas tawhid d'Allah azza wa jal. C'est un tawhid qui est parallèle. D'accord? Qui est parallèle. Tawhid d'Allah, il n'y revient que à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais cela amène à cela. Que le Nabi sallam, on ne doit suivre que lui. Qu'on adore Allah azza wa jal que par sa voix. Et c'est lui qui va nous indiquer cela. Après, tout le reste suit son obéissance. Tout le reste suit son obéissance. Naam. ثم قال إقام الصلاة l'accomplissement de la salat, c'est-à-dire la faire comme il se doit. أولا الصلاة لغة, ça veut dire quoi الصلاة? معنى الدعاء, l'invocation. تمام. من أدلة على ذلك يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكي أو تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. C'est-à-dire prends de leur argent une aumône, c'est-à-dire la zakat, qui va les purifier, d'accord, et invoque pour eux. Quand on dit « salli alayhim », là, le mana de « salli alayhim », c'est « invoque pour eux », le dua. Après, la salat peut avoir quand elle vient des malaïka pour nous, c'est l'istighfar. Comme dans le hadith d'Abu Hurayra, « An al-malaïka tu salli ahadikum ma'adama fi majlisihi wa qala taqul Allahumma ghfir lahu wa Allahumma ghfir anhu wa tub alayhi » qui disent quoi les malaïkas, qui demandent à Allah qu'il nous pardonne et qu'il nous efface nos péchés. C'est ça la salat pour nous. Donc, à ذلك, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي. Que Allah et ses malaïkas font la salat sur le Nabi. La salat d'Allah pour son Nabi, c'est quoi? C'est sana. Que Allah fait son éloge auprès des malaïkas. Et malheureusement, comme on en parle, des gens font l'erreur lorsqu'ils traduisent sallallahu alayhi wa sallam, ils mettent prière. Il revient au sens linguistique. Et ça, c'est une erreur gravissime. Allah ne fait pas la prière. Et Allah, il n'invoque pas. Tu vois, et des gens, ils minimisent la chose. On dit que lorsque tu traduis en arabe, tu traduis le ma'ana, tu ne traduis pas le love. Des fois, tu as des love, ils ont un zahir en arabe, et le sens, c'est autre chose. Quand toi, tu traduis, tu dois traduire le sens. Donc, dire que Allah fait la prière, ça, c'est pas vrai. Tu vois, ça, c'est pas vrai. Allah, il ne fait pas la prière. Et même le mot prière, moi, ce qui me concerne, quand on parle de salat, j'aime pas ce mot-là. Traduire par prière, j'aime pas ce mot-là. Parce que la salat, c'est quelque chose de particulier. Justement, ma ya salat, hiya aqwal wa a'mal makhsousa tubda bit takbir wa tukhtam bit taslim ma'a niyya. Shar'an, la salat a été décrite comme cela. Des paroles et des actes particuliers qui débutent par un takbir et qui finissent par un taslim, et cela avec le niyya. Hadiya salah. Donc ça, prière, ça ne revient pas à ça. Le mot prière, ça revient, on ne voit pas cela. Sauf qu'en arabe, quand on dit salah, n'alam el ma'na, moi ma'na salah. Founa et comme el salah, yuridu biha, as salat el khams. Les cinq salats qui nous ont été rendus obligatoires quotidiennement. Al-dhuhr, de Arba qui sont de 4 raka'at, Al-Asr qui sont de 4 raka'at, Al-Maghrib qui sont de 3 raka'at, Al-Isha 4 raka'at, et Al-Fajr 2 raka'at. On le dit pas dans le hadith précédent qu'elles ont été imposées lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait Al-Mi'raj. Donc elles doivent être faites dans leur temps. Comme a dit Allah Ta'ala, Inna salata kanat ala mu'minina kitaban maquta, que la salat a été mise à un temps prescrit pour les croyants. Donc la salat, elle a un temps précis. Faire la salat hors de son temps sans excuse, la salat, elle est invalide. Elle n'est pas acceptée. كذلك elle a des shurut, des conditions et des piliers. Ça, c'est encore un autre bab. Tout doit être respecté. Donc, et comme il salait, c'est pas seulement faire la salat, c'est la faire comme il se doit. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni ou salli. Faites la salat comme vous avez vu moi l'accomplir. Et ça, faire la salat. Comme lui l'a faite. Et c'est là qu'on verra les fruits. C'est là qu'on verra les fruits. بعد هذا قال دونك سي 5 صلات كما ذكرنا هي الركن الثاني وحكمها تركها لفد لا ديليسي سولي دو كفر اكبر مخرج عن المله يا خلاف اون سي دو رمي بوكس دو كفر اصغر اكو من الادله كي مونت كي سي دو كفر اكبر سون بلو فور اي بلو نومبرو اكو بلو فور اي بلو نومبرو اي يونا اي ديز que c'est, il y a unanimité pour celui qui la délaisse, juhudan. Juhudan, ma'ana, yunkir, bi wujubiyatiha. Il voit qu'elle n'est pas obligatoire. Cheikh Othaymin, il dit, cette condition, elle n'apporte pas de profit. Il dit qu'il y a même s'il fait la salat, et qu'il voit qu'elle n'est pas obligatoire, il aura mis cru. Donc dire juhud, il dit, ça ne sert à rien. C'est pour ça que lui, il voit que, tark al-salat, takasulan, tark al-salat, aslan. Taïeb, tark al-salat. Bilaouz, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas, ou Rizalika, ou une femme qui a ses menstrues, on sait de quoi on parle. Il dit, c'est du kufr. Juhudan ou takasulan. Dans les deux. Ils sont collés, les kawididdan. Il dit, ça n'a rien de dire qu'il la délaisse obligatoire, parce que même s'il l'a fait, il sera un kafir. Toute chose en islam, qui est maroum bidaroura ou kada, tu renies son côté obligatoire ou quoi, t'auras mis cru. Ça, c'est valable pour les autres piliers qui vont arriver. Tu dis, c'est pas obligatoire que je fasse ça. Tu vois? Tu dis, bah, t'as mis cru en faisant cela. Même si tu le fais. Même si tu le fais, tu auras mis cru. Donc, délaisse pendant la salat, t'as même hala kufrun akbar. À la koule sahih. Après, il dit, wa ita al-zakah. Ita al-zakah, ce qu'on appelle l'accomplissement, l'acquittement de la zakah. Qui est également appelé parfois sadaqa. Des fois, sadaqa, c'est le sens de l'aumône, et des fois, c'est un sens khas, précis, qui est hadi al-zakah. Fa awalan al-zakah, l'oraten ma'na al-tahara, tathir. Ça purifie. D'accord ? Et le dalil, c'est le verset qu'on a dit tout à l'heure. Yaskur hada, khuz min amwalim sadaqatan tutahhiruhum biha, ou tutahhiruhum, tuzakkihim biha. Hada wa shahid, wa tuzakkihim biha. C'est-à-dire, prendre de leur bien une aumône, c'est-à-dire la zakat, pour les purifier. Tuzakkihim biha. Donc, hada hu. Et, shar'an, hada haq wajib. Haq wajib. Fimmel makhsous li ta'ifatun makhsousa. C'est une part des biens qui est prise particulière. Ce n'est pas tout bien. D'accord ? Part des biens qui est prise pour donner à une catégorie de personnes particulières. D'accord ? Ces gens-là, cette catégorie-là, ils sont les 8 cités dans le verset. Yaqulullah Azza wa Jal. Innama sadaqat il fukara wal masakin wal amilin alayha. والمؤلفات قلوبهم وفي رقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل. Donc la sadaqat, la zakat, c'est que les pauvres, quand même. J'ai dit quoi le verset oublié? Musakin, fokara, musakin, والعاملين عليها, ceux qui sont chargés de la récupérer. والمؤلفات قلوبهم, c'est les gens dont le cœur est à gagner. وفي رقاب, c'est-à-dire quelqu'un qui paye pour livrer des esclaves. Quand ils prennent de l'argent, ils veulent payer des esclaves musulmans. Lui, cette zakat-là, il peut l'avoir. Donc, le but, c'est d'acheter un esclave pour le libérer. Ou un gharimin, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont, gharimin, ce sont ceux qui ont des dettes pour une chose qui revient à l'intérêt des musulmans. Par exemple, quelqu'un a voulu faire une conciliation entre deux tribus, et pour cela, il a pris de l'argent. Il a besoin d'argent pour arriver à faire un soulh entre deux. Et bien, cette personne-là, d'accord, il a endossé une dette ou quelque chose comme ça. La zakat, même s'il est riche, quelqu'un de riche, d'accord, cette zakat-là, il la mérite. Wa fi sabilillah, ça c'est connu sur le djihad fi sabilillah. Wa ibn sabil, le voyageur, même s'il est riche. Le voyageur, il vient dans un lieu, il est étranger. D'accord. Dans son pays, c'est quelqu'un de très riche, richissime. Il vient dans un pays, il est étranger ou quoi. La zakat, il y a droit. Quand même, il y a droit. Cette zakat, كذلك, ma'khouza min amwal ma'khsousa, comme on a dit. des biens particuliers, qui sont l'or et l'argent. L'or et l'argent, et aujourd'hui, c'est représenté par les monnaies qu'on a actuellement. Al-Rumal al-Jadida, c'est le dollar ou l'euro, dit l'achat. Tamam. Et هذا الزكاه تكون على شرطين بلوغ النصب و الحول c'est-à-dire que cette somme d'argent a dû atteindre un plafond d'accord et qu'elle ait duré une durée de 1 an avec toi فهمت donc à partir du moment où cette somme là elle a fait 1 an avec toi, et que cette somme, elle a atteint le plafond qui est demandé, qui peut se calculer en or ou en argent, à ce moment-là, tu sors de cette somme-là, rub al-ushr. C'est-à-dire, cette somme, tu la divises en 10, et ce dixième, tu le divises en 4, et tu prends un quart. Par exemple, on dit que, je sais pas, moi, t'as 10 000, 10 000 divisé par 10, ça va faire combien? 1000. 1000 divisé par 4, voilà. Quand même, 250. Après également, il y a la zakat qui se prend des animaux. C'est-à-dire tout ce qui est bétail, ovin et bovin. Quand même, tout ce qui est bœuf, vache, mouton, brebis, chèvre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'ibil, les chameaux. Un autre calcul encore pour en sortir. Il y a des choses également qui n'ont pas besoin que tu passes 1 an, c'est les récoltes. Ce que tu as récolté. Quatre choses dans lesquelles il y a une zakat, c'est pas tout. Le blé, tamr, date, zabib, le raisin sec. Ce n'est pas le rinab, le raisin noir qu'on connaît ou blanc là. Là, c'est le zabib, le raisin sec. Azahu wa sha'ir, l'orge. C'est de ces quatre-là dont on sort, t'as même al-zakah. Et ça ne demande pas qu'il s'en fait 1 an avec toi. À partir du moment où tu as atteint le quota demandé, min huna yukhraj al-zakah minhu ma ahkamihi allati tahtaj li tafsil fi dars akhar. طيب حكم ترك الزكاه celui qui dit la zakah lui taht al-mashi'a. C'est pas du kufr. À part qu'on expliquait s'il voit que c'est pas obligatoire pour lui. D'accord? Comme ce fut le cas de certains qui s'appellent Ridda, Allazine Qatalahum, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, quand ils n'ont pas voulu payer la zakat, certains ont été combattus aux apostasiés, ils ont dit, là, on n'a plus zakat à donner, nous, c'est juste pour Mohammed, et d'autres ont voulu la donner par bukhl, par avarice. Ceux-là, ils n'ont pas mécru. D'accord? Ils n'ont pas mécru. Lakin man tarakaha, akada tahta al-mashiyya, dja hadith, أن الذي ما يخرج الزكاة يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد qui sera châtié durant une journée, un jour qui durera 50 000 ans le temps que Allah quand même règle les comptes entre les serviteurs après chacun en fonction de ce qu'il avait comme bien sera châtié celui qui avait le hadith je l'ai pu marfous sur Rassi celui qui n'a pas donné sa zakat de l'or de l'argent, il sera brûlé sur ses côtes par des plaques durant 50 000 ans. Et ensuite, il verra sa destination. Est-ce que c'est le feu ou est-ce que c'est l'enfer? Est-ce que c'est le feu, Afouane, ou le paradis? Donc ça prouve que c'est pas du kufr. Sinon, il n'y aura pas le paradis. Il aura été nar, kouba, achara. Donc ces hadiths-là démontrent que ce n'est pas du kufr. Kazadik dja hadith am anna ma lahu sayakun af'a hayatun un serpent géant sayakun lahu ana kenzuk c'est moi ton trésor. C'est-à-dire tous les biens qu'il avait qu'il n'a pas donné à la zakat ça deviendra un grand serpent qui va l'encercler, l'entourer et qui va lui mordre les flancs. Cela illa an yakun hisabuhu. Donc tous les gens qui sont riches qui ne donnent pas de la zakat voilà ce qui les attend. Adam ni Kabayr. Donc les gens que tu vois aujourd'hui qui sont richissimes, qui ne donnent rien de zakat, ne les envie pas. Même leur Qiyama, ils auront voulu peut-être être les gens les plus pauvres de la terre. Wa li'az billah. Fa hadhihi zakat shahid annaha rukn al-thalith. ثم ذكر وصوم رمضان جند رمضان. ايوه نو شويه بارابور شرح الى من الصوم الاول كان في الترتيب التاريخي يعني الصوم كان قبل الحج فرض الصوم قبل الحج. Donc le psaume, Rohatan, le psaume ou l'imsak. Le fait que tu retiennes quelque chose. Amen. Que tu retiennes quelque chose. Et, Sharan, ou l'imsak, un muftirat, min, toulour et cham, c'est le gurubiha ma'aniyah. C'est le fait de se retenir des choses qui annulent le jeûne, qui sont différentes choses, et cela du lever du soleil jusqu'à son coucher. من المعلوم والأكل والشرب والشهوات تمام الشهوات في الصيام إلى أحكامه التي تخص به كذلك دوت أحكام في ديتاي relative à cette adoration qui est le siyam. وما علم ممن قال أن ترك الصيام يكون كفرا إلا إذا كان جهودا إلا إذا كان جهودا. Donc comme tous ces ibadats, akhazna fil hadith al-awwal, innama al-a'mal bin-niyyat, fa yushtarat fi hadhihi al-ibadat an takuna bin-niyyah. Lianna mujarrad as-sawm bidun niyyah ma yanfa'. Mujarrad an tusalli bidun niyyah la yanfa'. Mujarrad an tukhrij az-zakah bidun niyyah qad takun sadaqa 'adiyah kadha la yanfa'. Wa thumma dhakara akhiran حج يعني dans le tartib de sharh mais en vrai dans le hadith le hajj a été cité avant le siyam حج بيت الله الحرام فهذا هو الركن الخامس فقال اولا الحج لغه والقصد le fait de on va dire comme un objectif viser quelque chose واصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام ما احكامها c'est le fait de vouloir aller se rendre à la maison d'Allah Azzawajal, qui est Masjid al-Haram, qui est à Mecca, en faisant ses règles, le sa'i, le tawaf, ou les zalika. C'est ahkam, bin niya. Wa hadha al-hajj, la yajib ala l'insan, illa marra wahida fi hayati. Lakin, comme a dit Ta'ala, lillahi ala l'nasi hajjul bayti, man istata'a li sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin. Que pour Allah, les gens doivent accomplir le hajj, à la maison sacrée. Et que celui qui m'y croit, Allah se passe de l'univers. Donc de là, cet ulama, ils ont vu que Tark al-Hajj kuf, par rapport à cette ayah. Fa'akul Ahmed ou Ghayli. D'autres ulama, ils ont dit non, c'est le kuf Ashar. D'accord, c'est le kuf Ashar. Au shahid, anna hada al-Hajj, il est obligatoire. Pour qui? Avec des conditions. Celui qui a les moyens de le faire. Au moment où la saison du Hajj vient. S'il n'a pas déjà fait. D'accord ? S'il a les moyens de le faire, c'est-à-dire les moyens de partir et de revenir et de laisser ce qu'il faut pour sa famille et qu'il est en sécurité et qu'il est en mesure, lui, physiquement, de l'accomplir, il doit le faire. Wa hadha amr, fal asl fil amr, fil huwa al-fawr, qu'un ordre doit être accompli immédiatement. C'est l'asl dans l'islam. Quand tu as un ordre, d'accord, tu dois le faire, c'est-à-dire que le hajj, le qul sahih, c'est que tu dois le faire tout de suite. بخلاف ما يفعل بعض الناس يقول انا انتظر حتى اكون كبيرا في السن ثم ساحج قبل ان اموت حتى الله يعفو عن ذنوبي قال ما ادراك انك ستستعيش الى هنا كما tu vas savoir les gens disent moi je fais le hajj quand je serai vieux qui te dit que tu seras vieux tu ne sais pas quand tu vas mourir et même si on dit que tu vis longtemps tu ne sais pas est-ce que tu auras par la suite le tawfiq de faire le hajj peut-être que tu vas t'arriver des choses dans ta vie tu seras malade ou quoi ou quoi et à ce moment-là Charles Femin dit que celui qui a délaissé le hajj sans ouzr, alors qu'il pouvait le faire, lui, la yuhajj anhu. Parce que celui qui ne peut pas faire le hajj, c'est awliya yahujun anhu. Quelqu'un qui n'a pas pu faire le hajj, par exemple, il est mort avant de faire le hajj, il n'avait pas les moyens de le faire avant. Par la suite, c'est awliya, même un ami, c'est pas obligé, c'est awliya, dit je vais faire le hajj pour Foulen. Ils ont le droit. C'est mustahab s'ils peuvent le faire. Et il y en a, ils disent, mon père, Mathalène, il est mort dernièrement, il n'a pas fait le hajj. Est-ce que je peux le faire pour lui? Il a dit, il pouvait le faire, mais il a attendu, et après il est mort. Quand il a marché à Fahal. Charles Femme, il dit, ça n'a rien à faire pour lui, là. Le hajj, il est... Les ulama, ils vont dire, tu peux le faire. le cours sahih, il dit que ça ne sert à rien. Il l'a délaissé, vous pouvez le faire, il n'a pas d'excuse. Après, Bainahu Bainar Rabbi. Donc le Hajj, dès que tu peux le faire, fais-le. Maintenant, on sait qu'à notre époque, il y a Qura, il y a tirage au sort, il y a un quota, un nombre, il y a des difficultés, ça coûte cher, c'est vrai. Il y a le Hajj, Ibadah, Maliyah, wa Badaniyah. C'est une Ibadah qui demande de l'argent et corporel. Soum, il y a Ibadah, Badaniyah, corporel. As-salah, il y a Badaniyah. Ou Az-zakah, Maliyah. La zakah, c'est par rapport au bien. T'as un autre affaire, c'est que des biens à sortir. Ils ont fini par une faïda que Cheikh Al-Fahmi donne justement de la hikmah de ces cinq arcanes. Qala, aslan, yutlab min al-insan, l'être humain a des choses qu'il aime. Donc ces arcanes sont un imtihan pour lui. A dit arcane, imtihan, sont une épreuve, un test pour lui, qui vont l'amener à dépenser de ce qu'il aime. Comme Allah Ta'ala, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. On ne saurait atteindre la piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez. Donc là, dépenser des biens, ça rentre dans quoi? Dans la zakah. Et dans le hajj. Et pourtant, la zakah, c'est très peu. C'est très très peu qu'on demande par rapport à des biens. Le quart du dixième. Sur 10 000 euros, tu ne sors que combien? 250 euros, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Quelqu'un qui a 10 000 euros, il ne peut pas donner ça? Ça, c'est vraiment un niveau de bukhl qui est adib. Voilà. C'est rien du tout. Et c'est une fois pour celui qui a atteint le stade, la somme, et il sort une fois par an. C'est-à-dire, si jamais, c'est tous les ans qu'il a. Des fois, tu as la somme pendant un an, pendant 5 ans, tu n'as pas ce qui suffit. Tu n'as pas ce qui est demandé. Le hajj, c'est une fois dans ta vie. Le minimum à faire. Dans ta vie, toute ta vie, une fois à faire. Siyam Ramadan, c'est un char. Par an, tu te retiens justement de ces choses que tu aimes. D'accord? Et si en plus, c'est pas tu te retiens 24 sur 24, c'est tu te retiens du lever du soleil à se coucher la nuit. Wakulu wa shurabu. Même, hatta yatabayyanakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr. La nuit, tout ce qui était permis dans la journée, qui était permis à la base, en dehors de Ramadan dans la journée, la nuit, tu peux tout faire par rapport à ça. Et les salawat, 5 par jour, mais elles sont khafifa et elles sont courtes. D'accord? Elles sont courtes. Donc ça t'amène à quoi? À devoir faire des efforts sur toi-même. La salat, c'est l'heure. Tu es occupé de ta dunya. T'arrêtes, tu vas attraper ton Seigneur. Et ça a privé rien du tout. Contrairement à ce que les gens s'imaginent, que faire la salat, ça va l'empêcher d'avoir son travail. On dit ton travail, c'est Allah qui va te l'accorder. Et Allah ne saura te priver d'une chose, du fait que tu lui obéis. Et hab annahu annaka tumna min al-amal, c'est que c'était pas bien pour toi ce amal. Si ce travail-là t'empêche de faire la salat, et que si jamais tu fais la salat, tu le perds, c'est que ce travail-là n'était pas bien pour toi. Donc, t'es pas perdant. T'es pas perdant. Cet argent que tu as, tu sors une zakat, tu ne la sors pas, cet argent-là n'est pas bien pour toi, également. Yomer Kiyama, Shayakoun, c'est un serpent qui va te mordre. Ou des plaques de fer qui vont te brûler. Tu voudras avoir été l'homme le plus pauvre de la terre à ce moment-là. Donc cet argent-là, ce ne sera pas la zakat, qui est minime, une somme modique, cet argent-là n'aura pas été un bien pour toi. Kazalik, Siyem, tu pouvais jeûner, tu ne l'as pas fait. Eh ben, sache que ta forme physique, ton corps, parce que des gens disent, ouais, je suis trop faible, je ne peux pas, alors qu'ils peuvent. Il y en a, ils sont vraiment excusés, ils sont malades, ils peuvent pas. Et t'en as, ils disent, non, si jamais je jeûne, je n'ai pas la force d'aller au travail. Bon, on dit ton travail, une fois de plus, c'est pas un khil pour toi, ce travail-là. Ou cette forme physique que tu veux avoir, elle n'est pas un khil pour toi. Car elle t'empêche de faire ce que tu dois faire. Tu as été créé, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu as été créé pour cela. Alors. Wa kadhalik le hajj. Quelqu'un, il dit, je peux pas faire le hajj parce que c'est difficile, et qu'on dit, non, c'est difficile. Le hajj, c'est quelques jours. Après, c'est fini. Si tu veux le refaire, en plus, le hajj, comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam efface tout ce qu'il y avait avant, le hajj, c'est les mabrour, avec les conditions, efface tout ce qu'il y avait avant, et la hijra, efface tout ce qu'il y avait avant. Donc tu n'as rien à perdre à le faire. Tu n'as rien à perdre à le faire. Et tu as des gens qui voyagent pour pire que ça, pour des choses, moi, qui ont moins de valeur que ceci. Donc ça revient à ça. Faire des efforts sur toi-même, sur tes biens, et sur tes shahawat. ça t'amène à te contrôler. Ça t'amène à contrôler, et cela pourquoi ? Pour Allah Azza wa Jal. Car c'est ça la base des musulmans. Le musulman, comme nous l'avons dit au début, c'est l'islam lillah, bitouhid, wa l'anqiyad lahu bitoua. Tu te soumets à Allah totalement en l'unifiant dans l'adoration, et par son obéissance. Ça veut dire que tu fais ce qu'il veut que tu fasses, et tu délaisses ce qu'il veut que tu délaisses. Par rapport à ce que Allah Azza wa Jal a établi comme loi universelle, il y a des choses qui se produisent et qui nous paraissent tout à fait normales, même pour les koufars. On va dire c'est normal que le vent il amène la plume, il amène la feuille, que lorsque l'eau elle vient, elle mouille, tout ça c'est normal. Kama anna le muslim yanbaghi an yakuna la hadha fi dini. C'est ce que Allah il a voulu universellement et que il n'y a pas le choix, ça arrive. Et Allah, au point de vue législatif, il a voulu des choses sur lesquelles tu as le choix d'agir. T'as le libre arbitre, comme on dirait. À la base, c'est pas le choix, tu dois le faire. Mais je veux dire, t'as le choix d'agir. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire, moi, je veux pas le faire. Il aura la compétence de ne pas agir. Bien qu'il sera condamnable pour cela. Mais Allah, t'as mis en toi le libre arbitre. Tu veux le faire. Fais-le, tu peux pas le faire. Ne le fais pas, mais après, faudra assumer le choix, la conséquence derrière. Donc, celui qui dit, un muslim, bihaq al-islam, normalement, il est censé agir avec sa religion, comme cette plume qui s'est emportée par le vent. L'islam dit fait, il fait. L'islam dit ne fait pas, il ne fait pas. Bi qad istita'ati. Mais il n'y a pas de rébellion. Comme a dit Ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Tamam, udkhulu fi l'islam kaffa, c'est-à-dire complètement. Ne suivez pas les traces de shaytan. Donc quand tu entres en islam, ce qui t'est rendu obligatoire, tu le fais. Et ce qui t'est interdit, tu le délaisses. Maintenant, Allah il a mis en nous qu'on est faible, on commet des péchés, des fautes, et qu'on demande pardon pour qu'il nous pardonne. Mais هذا المطلوب أصلا وهذا. Comme tu vois la créature d'Allah par rapport à celui universel, le musulman doit être de la même sorte avec ses lois législatives. Mais ça, c'est le fait de lui-même de se proposer, mais tu veux que l'Azza wa Jalla va m'achiater. Donc musulman, ça veut dire soumis. Musulman, ça veut dire soumis. Car pour des gens musulmans, c'est devenir maintenant une philosophie, c'est un mode de vie, tu vois, wa kaza. Haoula ma fahimu ma'na l'islam. Tayeb, fa'bin naktafi bihadha al-qadar al-yawm. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.